Alors moi, j'ai un souvenir parce que pour moi, c'est l'un des plus beaux. Alors déjà, on a toujours aimé danser ensemble. Il y a une vraie connexion. Et aussi, ce souvenir, c'était dans le 12e arrondissement, dans un bal de l'Indy Hop. Et tu étais entouré de plusieurs personnes, dont des personnes qui avaient qui présentaient certains handicaps, soit physiques ou, si je me souviens bien, aussi des handicaps psychologiques. Et tu étais avec eux et on voyait une bienveillance et ils étaient très bien avec toi. Ils étaient normaux. Tout était normal. Il n'y avait pas de différence. Et j'ai eu plaisir à danser avec l'une de ces personnes. Et j'étais heureux parce que je voyais que ses gestes au début étaient un peu contractés et d'un seul coup tout s'épanouissait. Et voilà, c'est ce qui nous rapproche tous les deux, c'est qu'on a une bienveillance et un grand amour pour les autres, pour les gens. Et c'est très important.